et elle retomba sur une chaise anéantie. Une mère en deuil n'est pas plus lamentable près d'un berceau vide que ne l'était Madame d'Ambreuse devant les coffres forts béants. Enfin, sa douleur, malgré la bassesse du motif, semblait tellement profonde qu'il tâcha de la consoler en lui disant qu'après tout, elle n'était pas réduite à la misère. « C'est la misère, puisque je ne peux pas t'offrir une grande fortune. » Elle n'avait plus que 30 000 livres de rente, sans compter l'hôtel, qui en valait de 18 à 20 peut-être. Bien que ce fût de l'opulence pour Frédéric, il n'en ressentait pas moins une déception. Adieu ses rêves et toute la grande vie qu'il aurait menée. L'honneur le forçait à épouser Madame d'Ambreuse. Il réfléchit une minute, puis, d'un air tendre, « J'aurai toujours ta personne. » Elle se jeta dans ses bras, et il la serra contre sa poitrine, avec un attendrissement où il y avait un peu d'admiration pour lui-même. Madame d'Ambreuse, dont les larmes ne coulaient plus, releva sa figure, toute rayonnante de bonheur, et, lui prenant la main, « Ah, je n'ai jamais douté de toi, j'y comptais. » Cette certitude anticipée de ce qu'il regardait comme une belle action déplut au jeune homme. Puis elle l'amena dans sa chambre, et ils firent des projets. Frédéric devait songer maintenant à se pousser. Elle lui donna même, sur sa candidature, d'admirables conseils. Le premier point était de savoir 2 ou 3 phrases d'économie politique. Il fallait prendre une spécialité, comme les haras, par exemple, écrire plusieurs mémoires sur une question d'intérêt local, avoir toujours à sa disposition des bureaux de poste ou le tabac, rendre une foule de petits services. M. d'Ambreuse s'était montré là-dessus un vrai modèle. Ainsi, une fois, à la campagne, il avait fait arrêter son char à banc, plein d'amis, devant l'échoppe d'un savetier, avait pris pour ses hôtes 12 paires de chaussures et pour lui des bottes épouvantables, qui lui-même l'héroïsme de porter durant 15 jours. Cette anecdote les rendit gais. Elle en conta d'autres et, avec un revif de grâce, de jeunesse et d'esprit.